بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre, à lui la louange dans l'autre monde. Il est le sage, l'informé. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et c'est lui, le tout miséricordieux, l'absoluteur. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ceux qui ont mécru disent : l'heure ne viendra pas pour nous. Dis : que si, par mon Seigneur, vous la verrez certainement venir. Allah est celui qui connaît l'inconnaissable, Raïb. À qui rien ne peut échapper, fût-ce le poids d'un atome dans les cieux ou sur terre. Il n'est rien de plus petit ou de plus grand qui ne soit consigné dans un livre explicite. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Et ce, afin qu'ils récompensent ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres. Ceux-là auront pardon et don généreux. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Quant à ceux qui s'emploient à rejeter nos versets pour les rendre sans effet, ceux-là subiront le plus douloureux des tourments. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Ceux qui ont reçu la science voient bien que ce qui est descendu en révélation vers toi de la part de ton Seigneur est la vérité. Et qu'il guide vers la voie du Tout-Puissant, le digne de louange. Ceux qui ont mécru disent : voulez-vous que nous vous indiquions un homme qui vous prédira qu'une fois décomposé en infimes parties, vous renaîtrez à une nouvelle création ? Aftara ala Allah kadiban bihi jinna bal alladhina la yu'minuna bil akhirati fil 'adhabi wadh-dhalalil ba'id. Débite-t-il donc des mensonges sur le compte d'Allah ? Ou est-il atteint de démence ? Non, ceux qui ne croient pas en l'autre monde seront soumis au supplice et iront loin dans l'égarement. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ne voient-ils donc pas ce qu'il y a devant et derrière eux, du ciel et de la terre? Si nous voulions, nous ferions se dérober sous eux la terre pour qu'ils y soient engloutis, ou ferions tomber sur eux des pans du ciel. Il y a certes là un signe pour tout serviteur repentant. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ À David, il est venu de nous une faveur. Ô montagne, entonnez avec lui les louanges, et vous aussi, oiseau, nous lui avons rendu malléable le fer. أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Et nous lui dîmes, fais-en des jaserans, tâche que les mailles en soient bien serrées. Accomplissez les bonnes œuvres, car je vois parfaitement ce que vous faites. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ À Salomon, nous avons soumis le vent dont le parcours du matin équivaut à la distance d'un mois de marche et celui du soir à une distance similaire. Nous avons aussi fait couler pour lui la source de l'air infondu. Parmi les djinns, il en est qui s'étaient mis à son service, avec la permission de son Seigneur. Ceux d'entre eux qui contrevenaient à nos ordres devaient goûter au supplice de la fournaise. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور Ils édifiaient pour lui tous les ouvrages qu'il voulait, des sanctuaires, des statues, des plateaux grands comme des bassins et d'énormes chaudrons solidement installés. Ô vous, famille de David, travaillez et me rendez grâce. Mais bien peu de mes serviteurs sont reconnaissants. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ Quand nous eûmes décidé sa mort, seules les petites bêtes de terre leur indiquèrent qu'il était mort après qu'ils eurent rongé son bâton d'appui. Lorsqu'il s'écroula devant eux, les djinns se rendirent compte que s'ils avaient la science de l'inconnaissable, Raïb, ils n'auraient pas supporté plus longtemps le supplice de l'avilissement. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Il y avait pour le peuple de Saba en leur pays un signe, deux jardins, sur la droite et sur la gauche. Nourrissez-vous, leur était-il dit, des biens dispensés par votre Seigneur et soyez-lui reconnaissants. Un pays si heureux et un Seigneur si absoluteur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Mais ils se détournèrent. Alors, nous leur envoyâmes les flots impétueux du barrage et nous substituâmes à leur jardin deux autres fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons sanctionnés de leur mécréance. Serions-nous sanctionnés de cette manière un autre que le mécréant? وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Entre eux et les cités que nous avons bénies, nous établîmes des villes qui se prolongeaient les unes les autres. Nous avons déterminé avec mesure les distances qui les séparaient. Et nous dîmes, voyagez donc entre elles, de nuit comme de jour, en toute sûreté. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Mais ils dirent, fais, Seigneur, que les distances séparant nos cités soient plus grandes. Ils furent injustes envers eux-mêmes. Nous fîmes d'eux des sujets de légende, et nous les dispersâmes aux quatre vents. Il y a certes là des signes, pour tous ceux qui endurent, et nous sommes grandement reconnaissants. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Satan vit se confirmer ce qu'il avait supposé à leur égard. Ils le suivirent donc, excepté un groupe de croyants. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Il n'avait pourtant aucune autorité sur eux. Mais nous voulions savoir qui croyait en l'autre monde et qui était dans le doute. Ton Seigneur veille sur toute chose. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dis, invoquez donc ces prétendues divinités que vous avez prises en dehors d'Allah. Elles ne possèdent même pas le poids d'un atome des cieux et de la terre et n'ont jamais été associées à leur création. Et aucune parmi elles ne peut prétendre être son assistant. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. L'intercession ne servira auprès de lui qu'à ceux en faveur de qui il le permettra. Quand leur frayeur est passée, les anges disent les uns aux autres « Qu'a dit votre Seigneur ?» Les anges répondront alors « La vérité. » Et c'est lui le Très-Haut, le Très-Grand. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Demande. Qui donc pourvoit votre subsistance venue des cieux et de la terre? Et répond. C'est Allah. Nous sommes soit nous, soit vous, ou dans la bonne direction, ou dans un égarement manifeste. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et dit, vous ne répondrez point de nos crimes, et nous ne répondrons point de vos actes. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Dis, notre Seigneur nous réunira, puis jugera entre nous par la vérité. Et c'est lui le juge suprême, l'omniscient. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dis encore, montrez-moi ce que vous lui avez rattaché comme associé. Non, lui c'est Allah, le Tout-Puissant, le Sage. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble des hommes que pour faire heureuse annonce et avertir. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ils disent, à quand cette promesse, si ce que vous dites est vrai? قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Dis, rendez-vous vous est donné pour un jour que vous ne pourrez ni retarder, ni avancer d'une heure. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Ceux qui ont mécru disent, nous ne croirons nullement en ce Coran, pas plus que nous ne croirons en ce qui lui est antérieur. Si seulement tu pouvais voir les injustes, qui comparaissant devant leur Seigneur, se renverront mutuellement les reproches. Ceux qui étaient les plus faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil : sans vous, nous aurions été croyants. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Et ceux qui s'enflaient d'orgueil répondront à ceux qui étaient les plus faibles. Était-ce donc nous qui vous avons empêché de suivre la bonne direction qui vous était parvenue? Non, vous étiez vous-même des criminels. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'était bien vos manigances, tramées nuit et jour, répondront ceux qui étaient les plus faibles à ceux qui s'enflaient d'orgueil, par lesquels vous nous ordonniez de mécroire en Allah et de lui prêter des émules. Ils dissimuleront leurs regrets à la vue du supplice, et nous mettrons des chaînes au cou des mécréants. Seront-ils récompensés autrement que selon leurs propres œuvres ? وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Nous n'avons envoyé aucun avertisseur vers une cité sans que les plus huppés parmi ses habitants n'aient dit: nous mécroyons catégoriquement à votre message. Ils disaient encore: nous avons bien plus de richesses et d'enfants, nous ne pourrons donc être châtiés. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dis: mon Seigneur dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Mais la plupart des hommes ne savent pas. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Vos richesses, pas plus que vos enfants, ne vous rapprocheront de nous. Seront exceptés ceux qui auront cru et auront fait le bien. Ceux-là auront leur récompense décuplée pour ce qu'ils auront fait. Et ils seront installés en toute sûreté dans les sphères élevées du paradis. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Ceux qui, en revanche, s'emploient à rejeter nos versets pour les rendre sans effet, ceux-là auront à comparaître au supplice. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dit, mon Seigneur dispense ses biens à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Ce que vous dépensez, il vous le rendra, car il est le meilleur des dispensateurs. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Le jour où il les ramènera tous en foule, il dira aux anges : est-ce donc vous que cela adorait ? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ils diront : gloire te soit rendue. Tu es notre protecteur en dehors d'eux. Eux adoraient les djinns, à qui la plupart d'entre eux croyaient. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Ce jour-là, vous ne pourrez ni profiter ni nuire les uns aux autres. Et nous dirons à ceux qui auront commis des injustices : goûtez le supplice du feu que vous preniez pour mensonge. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق Quand nos versets explicites leur sont récités, ils disent : ce n'est là rien d'autre qu'un homme qui veut vous détourner de ce que vos pères adoraient. Et ils ajoutent : ce n'est là que mensonge inventé. Quand la vérité leur est parvenue, les mécréants ont dit : ce n'est là que magie manifeste. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Pourtant, nous ne leur avons donné aucun livre à étudier, ni ne leur avons envoyé aucun avertisseur avant toi. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ceux qui avaient vécu avant eux avaient également crié au mensonge. Or, les Mécois n'arrivent même pas au dixième de ce que nous avions donné à leurs prédécesseurs, qui avaient osé démentir mes messagers. Quelle ne fut alors ma réprobation ? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Dis, je ne vous exhorte qu'à une chose, que vous vous leviez sincèrement pour Allah, par deux ou chacun de son côté, et que vous méditiez ce qui est dit de Muhammad, votre compagnon Muhammad, n'est atteint d'aucune démence, mais il est là pour vous avertir du terrible supplice qui est au-devant de vous. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Dis, la récompense que je vous aurais demandée est à vous, car ma récompense n'incombe qu'à Allah, qui est témoin de toute chose. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dis, mon Seigneur envoie la vérité à ses messagers. Il est le suprême connaisseur de l'inconnaissable, Ghaib. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Dit encore, la vérité est venue. L'erreur n'a ni le pouvoir de prendre l'initiative, ni de répliquer. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Dis enfin, si je m'égare, je ne le fais qu'à mon préjudice. Et si je suis dans la bonne direction, c'est par ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Il entend tout et il est tout proche. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Si seulement tu pouvais voir qu'en pris de panique, ils n'auront aucune issue par où s'enfuir, et ils seront saisis d'un endroit tout proche. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التناوش من مكان بعيد. Ils diront, nous croyons en lui. Mais comment saurait-il atteindre une foi d'aussi loin? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Ils avaient auparavant mécru en lui et voulaient atteindre, de leurs mensonges, l'inconnaissable, Khaïb, depuis un endroit très éloigné. Ils seront séparés de ce dont ils auront envie, comme fut le cas de leurs semblables. Ils étaient en effet dans un doute troublant.